إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hier dans le dès qu'on a appris qui était l'iman du rusul, la foi au messager, il y a un petit problème technique avec l'enregistreur, ce qui fait que la moitié du cours le son est inaudible. Donc on va faire un résumé rapide de là, à partir de là où ça a été, là où ça, on n'entend plus le son. À partir du moment où on a dit que l'hymen, la foi au messager, englobe 4 points. Le premier point, le fait d'avoir la foi en leur message qu'il est réellement venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui mécroit au message d'un seul, aura mécréant tous. Allah, il dit, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ, que le peuple de Nour ont démenti les messagers. Alors qu'on sait que le peuple de Nour n'est qu'un seul messager qu'il a envoyé. C'est Nour, alayhi salam. Donc Allah, il a employé le terme au pluriel pour dire que le fait de démentir Nour revient à démentir tous les messagers. Et c'est pour ça que tous ceux qui démentent les messagers ne sont pas considérés comme croyants, même un seul. Comme par exemple, aujourd'hui les chrétiens, ils démentent Mohammed, ça, ils ne le reconnaissent pas. Donc ça revient à démentir Isa, alayhi salam, car Isa, Jésus, il est venu, il a annoncé Mohammed après lui. Donc cela revient à dire qu'on a laissé ce commentaire. Voir les alikas. Deuxième point, la foi en ceux qui ont été nommés ou non. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé plusieurs messagers et certains ont été nommés et d'autres non. Dans le Coran, par exemple, il y a Ulul Azm, les plus dotés de fermeté, qui sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Nuh, Isa wa Moussa. Ceux-là, ce sont les messagers qui avaient le plus de fermeté. Car Allah subhanahu wa ta'ala a préféré des messagers à d'autres. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd, comme on dit. Voici les messagers, nous avons préféré certains à d'autres. Et même ceux qui ont été envoyés, qu'on ne connaît pas le nom, on croit en eux pareil. Troisième point, le fait de croire aux informations qu'ils ont apportées parmi ce qui était authentifié. Car ce n'est pas tout ce qui est attribué aux messagers qui est vrai. Il y a beaucoup de mensonges, de paroles falsifiées, déformées, voilà les alikas. Tout ce qui a été authentifié venant d'eux, on y croit. Et quatrième point, c'est le fait d'appliquer la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, et c'est lui qui est venu pour clôturer toutes les religions. Après lui, plus de messagers, et la religion de l'islam est celle qui est valable jusqu'à la fin des temps. On prend d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est seul. « Wa lil-iman bi rusuli thamaratun jadilatun wa minha » Cette foi apporte beaucoup de fruits bénéfiques. Parmi eux, le fait de savoir qu'Allah a fait preuve de miséricorde envers nous, du fait qu'il a envoyé des messagers pour nous guider ou pour nous éclaircir comment l'adorer. D'accord ? Car la raison humaine ne peut d'elle-même déduire cela. Tu es obligé d'avoir des textes et des preuves pour te dire comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas l'inventer de ta tête. Sans quoi tu tomberais dans les innovations, peut-être même du shirk, tu t'en rends même pas compte. Deuxième chose, le fait de remercier Allah à ce grand bienfait, qui ne nous a pas laissé comme ça, perdu. Et troisième, le fait d'aimer les messagers, alayhi salam, et le fait de les respecter grandement, et de faire leur éloge, car ils ont été la cause par laquelle nous avons comment adorer notre Seigneur. Et également, eux-mêmes, leur propre adoration, leur propre servitude est un exemple pour nous. Et qu'ils nous ont conseillé et dirigé. Naam. Et à la fin, il réfuta une chubouette que certaines personnes prétendent qu'ils ne croient pas aux messagers, car d'après eux, ce ne sont que des êtres humains. Comme le dit Allah, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا كُلَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Dans le sens, Allah dit que les gens, rien n'a empêché aux gens de croire lorsque la guidée leur est parvenue, si ce n'est qu'ils aient dit que Allah envoyait un messager humain. Dit, si jamais la terre était peuplée d'anges qui marcheraient apaisés, nous aurions envoyé sur eux un messager parmi les anges. Donc là, Allah a bien dit qu'il a envoyé un messager homme pour des hommes. Car le messager homme vient d'eux, connaît leur situation, connaît leurs émotions, leurs sentiments. Et eux-mêmes le connaissent, savent d'où ils viennent. Si jamais un ange avait été envoyé, ils auraient dit oui, mais c'est un ange, il n'est pas comme nous. Il ne comprend pas. Hein? Donc, le messager homme est plus à même de pouvoir retransmettre le message aux autres êtres humains pour leur faire comprendre ce qu'ils ont à faire et pour être un exemple pour eux. Donc ça c'est juste pour résumer ce qui a échappé du cours d'hier. Al-anna tkhul fi darsina. Wa huwa al-iman bil yawm al-akhir. Là c'est la foi au jour dernier. يعني اليوم الاخر يقول الشيخ رحمه الله تعالى يوم القيامه الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. C'est le jour de la résurrection, là où les gens sont ressuscités afin que les comptes soient rendus et que chacun soit rétribué. Il a été appelé jour dernier car il y a peu de jours après lui, et que par la suite l'homme entrera soit au paradis ou en enfer, l'homme ou le djinn, يعني المكلف. فقال والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالبعث. D'accord. Donc la foi au jour dernier regroupe trois choses, trois points essentiels. Le premier, la résurrection. C'est le fait que Allah nous rendra la vie lorsque il sera soufflé dans la trompe. Le deuxième, soufflement dans la trompe. Qui est l'ange qui souffle dans la trompe? Israfil, Ahsant. Donc là, les gens se lèveront pour le Seigneur des mondes. Ils seront comment? Pieds nus, nus et incirconcis. Comme a dit Allah, كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Comme nous avons fait la première création, nous la rendrons pareil. C'est une promesse qui est réelle sur nous. Donc Allah nous fera revenir comme nous a créé. Et donc cette résurrection, elle barf. D'accord? C'est une chose qui est certifiée, affirmée par le livre et la sunna, et l'ijma' des musulmans, l'unanimité des musulmans. On est obligé d'y croire. قال الله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. Dans le sens où il dit vous serez après cela mort, vous serez ressuscité le jour dernier. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه حفاة غرا متفق عليه. Que les gens, صلى الله عليه وسلم, il a dit que les gens seront ramenés le jour de la résurrection pieds nus et incirconcis. Pieds nus et incirconcis. واجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسوله. قال الله تعالى أفحسبتم أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا رَتُرْجَعُونَ. Les musulmans sont unanimes quant à ce jour, qu'ils y croient. Car il implique justement la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous l'a promis et nous en a avertis, afin de pouvoir nous récompenser ou nous tribuer en fonction de ce qu'il nous a rendu obligatoire. Et cela par le biais des messagers. Dans le sens, Allah dit, pensez-vous que nous avons créé en vain? Sûrement vous allez revenir vers nous. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Dans le sens, Allah il a dit à son prophète صلى الله عليه وسلم, certes celui qui t'a apporté le Coran te renverra au rendez-vous, c'est-à-dire à la résurrection. Donc ça c'est le premier point. Crois en la résurrection. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. Le fait de croire à la fait qu'on va rendre des comptes et la rétribution de cela. C'est-à-dire que le serviteur sera rétribué en fonction de ses œuvres. Et cela également est basé sur les preuves du kitab de la sunna et de l'ijma' des musulmans. Unanimité. Quand Allah Ta'ala, inna ilayna yabahum thumma inna alayna hisabahum. Que certes c'est vers nous qui reviendront et certes c'est nous qui leur rendons, c'est auprès de nous qui rendrons des comptes. Donc Allah nous jugera. Wa qala من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Dans le sens où il dit, celui qui vient avec la bonne action, il sera décuplé par 10. Et celui qui vient avec la mauvaise, il ne sera rétribué que par une seule. Vous voyez? Et eux ne seront point lésés. Ils ne seront point lésés. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Et nous posons les balances exactes, c'est-à-dire précises, de chaque acte le jour de la résurrection. Et aucune âme ne sera lésée. Pas d'injustice ce jour-là. Et même s'il s'agissait d'un grain de moutarde, nous allons le rappeler. C'est-à-dire la moindre action que tu as faite, elle te sera citée. Et nous suffisons à adresser les comptes. Akadakallahu ta'ala. Wa an ibn Umar, radiallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, inna Allah yudni al-mu'mina fayadu alayhi kenafah. ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا كرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه. Donc selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah rapprochera son serviteur de lui à tel point qu'il pourra niquer la fille comme s'il l'enlaçait, comme une mère avec son enfant. Et il le dissimulera des gens. Et il dira, reconnais-tu tel péché? Et reconnais-tu tel péché? Le serviteur dira oui au Seigneur. Il reconnaît tous ses péchés. Il ne pourra pas nier. À tel point qu'il dirait, je suis perdu. Tellement il voit ses péchés, il dit, je suis perdu. Ensuite, Allah lui dira, je t'ai caché en ce bas monde, donc pareillement je te cache aujourd'hui. Je te pardonne ses péchés. Ensuite, on lui donnera le kitab qui contient toutes ses bonnes actions. Quant au kafir, au mécréant et à l'hypocrite, ils seront appelés au devant de tous, de la création. Et il sera dit d'eux, c'est-à-dire en étant démontré devant tout le monde, ceux-là sont qui ont menti sur leur Seigneur, n'est-ce pas que la malédiction d'Allah est sur les injustes, en visant les mécréants et les hypocrites, devant tout le monde. Ils seront dévoilés devant tout le monde. Donc regarde à Rahmat d'Allah pour ses serviteurs, adeptes du Tawhid. Leurs péchés leur seront exposés pour qu'ils reconnaissent. Mais à la fin, Allah leur pardonnera. Et par sa miséricorde. Parce qu'il ne doit rien en vrai. Adam ne rahmati il wasi'a. Amal kafir, ra rahmalahu. Pas de miséricorde pour lui. Wa qal, wa saha an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna man. أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمية ضعف إلى ضعف كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا ابن عباس que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit que celui qui a voulu faire une bonne action mais qui ne l'a pas faite, à la base le hadith commence comme ça, celui qui a voulu faire une bonne action mais qui ne l'a pas faite, Allah lui écrira une bonne action auprès de lui. Après, le hadith tel qu'il est venu là dans le livre, il dit, et celui qui a voulu faire une bonne action et qui l'a faite, Allah lui écrira cette bonne action par 10 ou 700 et voire plus encore. Quant à celui qui a voulu faire une mauvaise action mais qui ne l'a pas faite, par peur d'Allah bien sûr, Allah lui écrira une bonne action complète. Quant à celui qui aura voulu la faire et qui l'aura faite, Allah lui comptera une seule mauvaise action. Une seule mauvaise action. الله أكبر. وقال وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى لحكمة الله فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على عباده قبول ما جاءه به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعارضين له وحل دماءهم وذريتهم ونساءهم وأموالهم فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه رب الحكيم عنه قد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ونقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Donc là les musulmans sont unanimes quant justement au fait qu'on va rendre des comptes et la rétribution en mesure des œuvres. Et cela c'est le résultat de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'il ait descendu les livres et qu'il a envoyé les messagers et qu'il nous ait imposé d'accepter cela, c'est-à-dire d'œuvrer en fonction de ce que les messagers nous ont enseigné et qu'il nous a également ordonné de combattre ceux qui contestent et qu'il leur a rendu leur sang licite ainsi que leur descendance, ainsi que leurs femmes, ainsi que leurs biens, bien sûr avec conditions, d'accord, avec conditions, pas n'importe comment, car s'il n'y avait pas de on n'avait pas à rendre de compte, il n'y aurait eu aucun intérêt à ce qu'on vive. La vie n'aurait pas de sens. Car sur Terre, on voit bien que les gens ils font ce qu'ils veulent. Demain, quelqu'un il fait un crime, il donne devant le juge, il s'en sort. Et là, il n'a rien fait, il est innocent et il prend une peine. La vie n'aurait pas de sens. Donc les gens feraient ce qu'ils veulent. Déjà, ça, quoi que je sois juste, c'est moi qui paye les pots cassés. Donc je vais être injuste. L'injuste, il s'en sort, donc je vais être injuste. D'accord ? La vie n'aurait pas de sens. Justement, Allah, il a mis une justice suprême, la sienne, celle qui est exacte. Mais elle aura lieu quand ? Après la mort. Donc les gens qui s'en sortent aujourd'hui avec le mal qu'ils font, ils ne pensent pas qu'ils ont réussi. Au contraire, Yom El-Qiyama, tout ce qu'ils ont fait, le moindre mal qu'ils ont fait, tu piétines quelqu'un volontairement, sans t'excuser, tu rendras des comptes pour ça. Ici, sur terre, il n'y a rien. Mais Yom El-Qiyama, tu vas le payer. Et Allah SWT a été purifié de ça. Il a fait les choses vainement, sans sagesse. Sûrement pas. Et il a bien dit, nous allons certes, dans le sens où il dit, nous allons certes interroger ceux à qui on envoie des messagers. Et nous allons également interroger les messagers. Et nous allons citer sur eux avec science. Nous n'étions pas absents. C'est-à-dire qu'Allah était présent, il a tout vu. Il a tout vu. Donc ça, c'était le deuxième point, qui était le fait de croire au fait qu'on va rendre des comptes et à la rétribution. Al-Thalith, Al-Iman bil-Jannah wa-Nar. La foi au paradis et à l'enfer, au feu de l'enfer. Et que les deux sont les destinations éternelles de la création, plutôt des Mukallafoun. Les hommes et les djinns, leur destination finale, c'est soit l'enfer, soit le paradis. قال فالجنة دار النعيم التي أعد الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله فيها من أنواع النعيم. Donc le paradis, c'est quoi? C'est la demeure des délices que Allah a préparé pour les croyants pieux, ceux qui ont cru en ce que Allah leur a ordonné de croire parfaitement, complètement. Comme par exemple, tout ce qu'on a cité dans ce livre, on doit y croire. C'est obligatoire pour nous. Sans quoi, on n'est plus des musulmans. Et que des gens qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, et qui ont été sincères envers Allah dans l'adoration, et qui ont suivi le messager. Et cette demeure qui est le paradis contient toutes les formes de délices. Et quand on dit le messager, c'est valable pour nous les musulmans. Les musulmans aujourd'hui, les musulmans avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les autres communautés qui ont un messager à eux. Mais depuis la venue de Mohammed, on doit tous le suivre. Celui qui ne l'aura pas suivi, pas de Jannah pour lui, pas de paradis pour lui. Qu'elle aura démenti. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال عن الجنة ما لا عين رأت ولا أذان سمعت ولا خطر على قلب بشر. C'est-à-dire, il est au paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nul n'aurait entendu. Est-ce que le cœur n'a jamais imaginé? Parce que le cœur, c'est-à-dire, tu t'imagines des choses, mais au Jenna, c'est encore mieux que ce que tu imagines, en fait. Donc pour toi, c'est inimaginable. Qu'al Allah Ta'ala, Inna lazina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khayrun bariya, jaza'uhum inda rabbihim jannatu adlin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu'an, dhalika liman khashiya rabbah. Allah, dans le sens dans le Coran, il dit, certes ceux qui ont cru et qui ont œuvré de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de la création. Leur rétribution est auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement. Allah les agrée, ils agréent Allah, et telle est la récompense pour celui qui a créé son Seigneur. Donc Allah Ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةُ أَعْيُونٍ جَزَانٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Que aucune âme ne sait ce qui lui a été caché comme réjouissance de l'œil en rétribution de ce qu'il faisait, c'est-à-dire au paradis. Tu ne sais pas. فهذا والجنة وأما النار العذاب لله le feu l'enfer فيدار العذاب التي أعد الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسوله فهي من فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. Donc le feu, c'est la demeure du châtiment, ce que Allah a préparé pour les mécréants, les injustes, ceux qui ont mécru en Allah et qui ont désobéi à ses messagers, tous. Et elle contient toute forme justement de châtiment, de torture, de tourment. Ce qui est inimaginable pour toi également. وَلِعَذَ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ. Craignez le feu, celle qui était préparée pour les mécréants. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Il a dit dans le sens, Allah, nous avons certes préparé pour les injustes un feu qui les entourera de toutes parts. Ils demanderont à boire, ils seront abreuvés d'un métal fondu qui brûlera les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle mauvaise demeure. Donc Allah Ta'ala, Inna Allah la'ana al-kafirin wa adalahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ta'ana Allah wa ta'ana ar-rasula. Allah, dans le sens, il dit également dans le Coran que certes Allah a maudit les mécréants et qu'il leur a préparé l'enfer. Ils seront éternellement. Ils n'y trouveront ni alliés ni secoureurs. Le jour où les visages se retourneront dans le feu, ils diront « Ô pauvres de nous, avons-nous obéi à Allah et avons-nous obéi aux messagers ?» Mais il sera trop tard. « Thumma qal, wa yaltahiku bil iman bil yawm al akhir al iman bi kulli ma yakunu 'inda al maut ba'd al maut. Bi kulli ma yakun ba'd al maut. » Donc maintenant on rejoint également la foi au jour dernier, tout ce qui a lieu après la mort. Premièrement, première chose après la mort dans la tombe, fitnat al-qabr. Fitnat al-qabr, c'est-à-dire la question dans la tombe. C'est lorsque le mort est mis dans sa tombe et qu'il est enterré, il est interrogé à propos de son seigneur, de sa religion, de son prophète. Quand les deux anges vont venir, vont dire « Qui est ton seigneur ? Qui est, quelle est ta religion et qui est ton prophète ?» Donc Allah va raffermir les croyants. Ceux qui étaient croyants en cette dunya, dans la tombe, il va les raffermir. Et ils diront, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah il va égayer les injustes, et le mécréant, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, je ne sais pas. Pourquoi il sera interrogé? Je ne sais pas. Et le munafiq, l'hypocrite, pareil. Il dira, j'ai entendu les gens dire quelque chose, donc j'ai dit comme eux. Alors le munafiq, dans ce bas monde, ici là, il dit comme les muslimounes. Mais dans la tombe, il dira plus pareil. Donc là, c'est le premier truc, c'est fitnat al-kabr, chose à laquelle tout le monde passe, à la base. Après cela, il en résulte deux choses dans cette tombe. Soit le châtiment de la tombe, soit les délices de la tombe. Donc là, il dit que azab al-kabr, le châtiment de la tombe, il dit que, là je ne sais pas si c'est une erreur de l'édition, ou s'il y a un takdir, mais le shia, là, il dit que c'est pour les injustes, parmi les hypocrites et les mécréants seulement. Alors qu'on sait que même le muslim qui était désobéissant peut tchatcher. Donc je ne sais pas s'il manque quelque chose dans le livre. Ou s'il veut dire quoi? Al-azab al-mustamir. Le châtiment continu. Car le muslim dans sa tombe, son azab sera interrompu. Il n'est pas continu. Donc peut-être qu'il y a un toc dire. Allah wa'alam. En tout cas là, en apparent, il faut faire attention. Car le châtiment de la tombe n'est pas que pour le mécréant. Le mécréant, lui, c'est sûr qu'il va l'avoir. Le munafiq pareil. Mais le croyant, il se peut qu'il l'ait, il se peut qu'il l'ait pas. Ça dépend comment il était dans ce bas monde. على كل قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Alors dans le sens où il dit, si jamais tu voyais les injustes lors des affres de la mort et que les anges tendent leurs mains en disant sortez vos âmes, aujourd'hui vous êtes rétribués du châtiment avilissant pour ce que vous disiez comme mensonge sur Allah et pour ce que vous enfuyez d'orgueil face à ces versets. Donc Allah Ta'ala fi alif al-aun an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu alif al-aun ashadd al-'adhab. Donc il dit à propos des gens du Pharaon, et ce châtiment est valable pour tout le monde, parmi ceux qui méritent le châtiment de la tombe. Il dit le feu, ils seront exposés matin et soir. Là il part de la tombe. Et ensuite le jour aura lieu, le jour où il y aura l'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection, on dira au jour de Philaron, rentrez au plus grand des châtiments. Et là, c'est quoi? Le feu de l'enfer éternel. Donc, avant le feu dont il parle, le verset, c'est le feu dans la tombe. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قالت تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. Donc dans le sahih de Muslim, dans le hadith de Zayd ibn Thabit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, si jamais ce n'était pas que vous étiez enterré, j'aurais invoqué Allah qui vous fasse entendre le châtiment de la tombe. Celui que j'entends moi. Ensuite, il se tourna vers eux, il a dit, cherchez refuge auprès d'Allah, le châtiment du feu. Et ils dirent, nous recherchons refuge auprès d'Allah, du châtiment du feu. Puis il dit, cherchez refuge auprès d'Allah, le châtiment de la tombe. Et ils dirent, nous cherchons refuge auprès d'Allah, le châtiment de la tombe. Il dit, chercher refuge auprès d'Allah des troubles, qu'ils soient apparents ou cachés. Ils dirent, nous recherchons refuge auprès d'Allah des troubles et des maux, qu'ils soient apparents ou cachés. Et il dit pour finir, chercher refuge auprès d'Allah de la fitna, de la tentation, du Dajjal. Messie Dajjal, le faux Messie, qui viendra à la fin des temps. Ils dirent, nous cherchons refuge auprès d'Allah de la tentation du Dajjal. Donc le hadith est authentique. Shahid, il a dit, ta'awadhu min fitnat al-qabr. Et le début également. Là, ce qui concerne le châtiment de la tombe. Amma na'im al-qabr, فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Donc, par contre, le contraire maintenant, les délices de la tombe, cela c'est pour le croyant seul qui était sincère, véridique. Car parmi les croyants, comme on a dit, certains peuvent être châtiés dans la tombe. Là maintenant, c'est pour le sincère, véridique, qui était pieux. Alors dans le sens, il dit, certes ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, puis ont été sur la droiture, les anges descendront sur eux en leur disant, n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Donc Allah Ta'ala, فَمَّنْ كَانَ مِنْ مُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحًا وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Donc il dit dans le sens, c'est la fin du verset, quand il dit, quant à ceux qui étaient rapprochés, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils auront le repos et le paradis de délices. Jusqu'à la fin du verset. Et de ce verset-là, les ulama, ils ont déduit que c'était... Ils parlaient de la tombe à ce moment-là. Taïb. Aam Shay. Qal. Wa an al-Bara ibn Azib. Radiallahu anhu. An al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Qal. Fi al-Mu'min. Iza ajaba al-Malakain fi qabrihi. Yunadi munadin min al-Sama. An sadaqa abdi. Fa'afrishuhu min al-Jannati. Walbisuhu min al-Jannati. Waftahu lahu baban ila al-Jannah. قال فياتيه من روحها وتيبها ويفسح له في قبره مد بصره رواه احمد وابو داود في حديث طويل. Selon le Bara ibn Azib, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que une fois que le croyant aura répondu aux deux anges dans sa tombe, quelqu'un appellera depuis les cieux en disant, mon serviteur a dit vrai, donc recouvrez-le du paradis dans sa tombe et habillez-le du paradis. Et ouvrez-lui une porte au paradis. C'est-à-dire dans sa tombe, le croyant voit le paradis. Et de là, il viendra son odeur et son vent du paradis. Et sa tombe lui sera élargie, voyez, d'une portée qui va jusqu'à la portée de son regard. Lorsque son regard s'arrête, tu vois, ton regard il s'arrête à l'horizon, bah, ta tombe sera élargie à ce stade-là. Quant au kafir, lui, dans la rade de la tombe, lui c'est le contraire. La tombe elle se resserre à tel point que ses côtres s'enchevêtrent les unes dans les autres. Et le croyant, lui, elle s'élargit. Elle va aussi loin que son regard se porte. Pour finir, وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَرَاتُ جَلِيلَةٌ مِنْهَا. Donc il dit en premier lieu, le fait de croire au jour dernier, ça amène quoi comme fruit bénéfique? Cela t'incite à commettre des bonnes actions, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Par espoir d'obtenir la récompense de ce jour-là. Bien évidemment. Deuxième, cela, le contraire. Tes frais des désobéissances et de les agréer par peur justement de la mauvaise tribution des conséquences de ce jour-là. Tu en as peur. Et troisième, ce jour est une consolation pour le croyant de ce qui lui a échappé en ce bas monde. Par exemple, toutes les choses dans ce bas monde que tu t'es privé pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu le retrouves en décuplé après la mort. Donc c'est une consolation pour toi. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois des choses devant toi, tu dis je ne les ai pas, tu es triste. Tu dis j'aurai mieux que ça après, Inch'Allah. Quand même, ça te console, ça te rassure. Naam. Hadaou. Donc aujourd'hui, on a pris la première partie, ce qui concerne la foi au jour dernier. Et les points obligatoires qui en découlent. Et les fruits. Fa ilahuna. Subhanaka wa bihamdik la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.